Bonsoir et bienvenue pour ce numéro de Next Gen Wrestles, un numéro consacré au Special Event NXT TakeOver Rival. Nous allons revenir donc sur ce show qui a consacré Kevin Owens en tant que champion NXT et Finn Balor en tant que first contender pour ce titre, avec trois comparses aujourd'hui. Le premier souhaite voir revenir Ted DiBiase, même si c'est à NXT, même si c'est en jobant pour CJ Parker, c'est Gus. Bonsoir à tous. Le second est plus chaud que la méno pour le match face à Colmar, c'est Sébastien. Je suis chaud bouillant, bonsoir à tous. Et le dernier est celui qui nourrit les oreilles des abonnés de Canal Plus d'analyse tactique avec la Data Room, mais aussi de theme song de Catcher, c'est Florent, notre guest aujourd'hui. Bienvenue sur Wrestles Radio. Salut, mais c'est même pas moi qui fais les sujets, il y en a d'autres. T'as même pas suggéré ou quoi? Il y a d'autres fans de catch sur Canal+. Exactement, ils sont cachés. Enfin non, il apparaît de temps en temps dans l'émission, c'est le recruteur, Clément. D'accord. Ça fait plaisir à entendre. Voilà, ils seront à WrestleMania d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. C'est beau. On va donc partir pour 2 heures de show, mais avant de ça, on va vous laisser avec un petit jingle. Nous revoici donc à la Full Sail University, comme on en a pris l'habitude maintenant avec NXT, avec un show qui prenait beaucoup de bons matchs. Et le premier, c'est un match entre Hideo Itami et Tyler Breeze, qui a duré 8 minutes 13 et qui a vu la victoire de Hideo Itami. Sébastien, qu'as-tu pensé de ce match? On va commencer par l'Alsace. Moi j'ai trouvé que c'était un match vraiment bon, hein. Je dirais même que c'est sans doute le meilleur match de Itami depuis ses débuts à NXT pour moi. Là il a vraiment prouvé le potentiel qu'il avait, enfin, personnellement je le connaissais pas avant NXT, j'entendais bien sûr beaucoup de bien de ce catcheur là, mais je l'avais jamais vu prouver le bien qu'on disait de lui dans le ring, et là c'est vraiment la première fois où j'ai trouvé qu'il a été à la hauteur de sa réputation, donc un match vraiment bien emballé, il n'est pas super long mais ça suffit pour la rivalité qui n'était pas non plus exceptionnelle entre ces deux là. T'es d'accord avec ça, Gus? Oui, bon match d'Itami. En même temps, on lui met enfin un adversaire de poids, un adversaire avec un petit peu de talent, parce que Tyler Breeze, c'est quand même un mélange entre John Morrison et Dolph Ziggler. Donc c'est plutôt intéressant de le voir dans cette configuration-là, Itami. Et j'ai aimé ce combat, même si je pense qu'ils ont un petit peu trop joué des coups de pied de Itami, donc faudrait le voir avec avec un peu plus de move, disons catchesque, avec un peu plus de prise, ça pourrait être encore mieux. Ça pourrait être encore mieux même. Florent. Ouais, même avis. Après, c'est le style d'Itami. My style is kick. C'est ça qu'il avait dit, je crois, là. Ouais. Young sur sa première apparition. Mais non, un match sympa. Une entrée très réussie de Tyler Breeze. Bon, ça passera jamais le cap de NXT, je pense. Son gimmick, c'est beaucoup trop casse-gueule pour le show principal, mais ça marchait là, le selfie moumoute là avec son... très réussi ça. Ils appellent ça un selfie stick, je crois. Ouais, un selfie stick, voilà, c'est ça. Mais après, le match était sympa. De toute façon, c'est deux bons performeurs déjà à la base. Et en effet, moi aussi, il me fait penser à Ziggler, autant par le look que par ce qu'il fait sur le ring. Il y a eu quelques spots sympas, la figure fort contre le coin du ring là. Hashtag le poteau, hashtag le poteau, hashtag le poteau. Et non, un match sympa, et en effet, c'est un plaisir de voir Itami sur 8 minutes et de le voir un peu plus, quoi, parce que c'est vrai que jusqu'ici il a été assez protégé quand même. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que Itami il avait été signé en présence de Hulk Hogan himself lors d'une tournée au Japon. Et pourtant il se sent bien loin des autres signataires genre Finn Balor et puis Kevin Owens qui vient d'arriver. Ouais, il arrive quand même du Japon, c'est un autre style que les États-Unis, donc il a un petit peu les bases américaines à apprendre. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'il est peut-être encore un peu moins bon que les Finn Balor ou Sami Zayn ou encore Kevin Owens. C'est ce qui lui manque, je pense. Un peu plus d'expérience aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, peut-être, non? Bah, peut-être, encore une fois, le public qui attend vraiment le moment où Itami va connecter son GTS. Hein, on a encore vu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je pense que ce sera plus pour un match pour le titre NXT, ouais, si jamais il touche un jour. C'est si ce move, voilà. En attendant, ça fait toujours marquer la foule, comme si c'était le premier GTS qu'elle voyait, quoi. Mais le jour où il sera exécuté, ce sera l'explosion dans la salle, je pense. Ah, bah là, ce sera la grande folie. Peut-être cette année ou pas, moi. Oui, cette année quand même. Et ça devrait le faire dans un match, par exemple, au moins pour devenir challenger numéro 1, quoi. Au moins. Je pense plutôt pour le titre, moi, perso. Mais après. Putain, ouais, si on attend pas, le match pour le titre, va y avoir 6 mois d'attente au moins. Peut-être. Ça l'ennuie. Bon. On va passer un peu un petit creux du show avec un match entre Baron Corbin et Bull Dempsey, un match qu'on n'attendait pas tellement. C'est un match sans disqualification, en tout cas apparemment, hein, c'était ce que disent les rumeurs. C'est ce que dit Jojo avant le match. Ouais, hein, elle dit clairement no disqualification match. Ouais, mais pour moi c'est une rumeur vu qu'il n'y a pas eu trop d'utilisation. Enfin bref. Ça a duré 4 minutes 15 et c'est Baron Corbin qui a battu Bull Dempsey. Je vais laisser ce plaisir à Florent pour ce match parce que... non, bah, c'est tout. Corbin, je comprends pas. Enfin, il y en a qui le trouve une présence. Moi, je trouve qu'il y a que dalle. Pareil. Il y a rien, quoi. Je vois rien qui se dégage de ce mec. Et puis Bull Dempsey, c'est le, on va dire, c'est le powerhouse de cette division, mais qui sert pas à grand chose, quoi. Voilà, il va sans doute pas non plus aller beaucoup plus haut et il a juste son thème qui fait rire au début parce que ça excite un peu le public, mais bon, voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce match. D'ailleurs, je vais vous lire la question que j'allais vous poser. Baron Corbin, pourquoi? Voilà, c'est ma question. Parce que... pourquoi? Pourquoi Baron Corbin? Je vous trouve un peu dur. Moi, je trouve qu'il a quand même effectivement une présence. Hein. Je vous disais que vous trouvez pas, mais moi, je trouve quand même. Il a un look assez particulier, un style unique. Pour l'instant, ça se matérialise pas vraiment dans son style in-ring, qui est encore qui laisse à désirer. Il y a que sa prise de finition qui est vraiment spectaculaire. Ouais, ça, par contre, oui. Mais il est encore dans le territoire de développement, quoi. Donc c'est normal qu'il n'ait pas atteint la maturité. Mais je pense qu'il y a de bonnes bases pour l'avenir sur ce catcheur-là. J'aurais préféré ne jamais le voir dans le territoire de développement, personnellement. Bon. D'ailleurs, comme Bull Dempsey, d'ailleurs, parce qu'on parle pas de Bull Dempsey, mais pourquoi aussi? Pourquoi? Oui, mais bon, Bull Dempsey, on sait très bien que c'est pas vraiment un projet. Mais d'ailleurs, pour dire sur le manque de personnalité de Baron Corbin, il y a un Twitter qui s'est créé, Why My Baron Is Sad, où vous le voyez tout le temps faire la gueule, en fait, qui est un Twitter génial, on vous le conseille. Enfin, vous pouvez suivre, à chaque fois, le mec ne manque pas de créativité. On va passer au match suivant pour le NXT Tag Team Championship entre les champions Blake et Murphy et The Lucha Dragons, donc Kalisto et Sin Cara. C'est les champions qui ont gagné, enfin qui ont maintenu leur place en tant que champions, voilà, en 8 minutes 10. C'est quoi le projet avec cette équipe là? Parce que je crois qu'ils ont gagné les titres pour leur première apparition télévisée, c'est ça? Je ne sais pas, je ne pense pas. Oh là là. Ils ont eu quelques apparitions avant ce match-là, mais c'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus avant la victoire, ça c'est vrai. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas laissé un petit peu plus de temps d'expression aux Lucha Dragons en tant que champions? Parce que c'était pas une mauvaise idée comme de les foutre champions par équipe, ces deux-là. Peut-être parce qu'ils sont appelés à monter, parce que Sin Cara a refait quelques apparitions dans le roster principal dernièrement. Et Kalisto, il paraîtrait qu'il ferait partie des mecs les plus proches aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont lâché les ceintures. Mais le vrai problème, c'est que vu leur match là, je serais pas surpris qu'ils repassent un peu plus de temps par la case développement parce que c'était vraiment pas génial quand même. Il y avait quelques botches, notamment de Sin Cara qui a été un peu, qui a pris un peu la malédiction de son prédécesseur. C'était Mystico. Ouais. Oui, Mystico faisait beaucoup de botches et là c'est Unico qui maintenant a le masque de Sin Cara qui a été un peu pris de la malédiction du masque. C'est notre mascotte, hein, donc ouais, forcément il est obligé de botcher à un moment donné. Sin Cara, c'est synonyme de botch, quoi, donc c'est pas ça. De surprise. C'est dans le gimmick, on va dire qu'il respecte voilà. Enfin le gimmick de Sin Cara, quoi. C'était Botchman Returns, quoi, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que ben, maintenant que The Ascension est un peu parti, est-ce que ça vous semble pas être un peu trop le désert derrière eux? Ça semble un peu pauvre derrière. Il y avait Itami et Finn Balor qui étaient en oui, équipe au début. Mais ils n'étaient pas amenés à rester. Jusqu'à ce qu'ils pensent enfin se séparer parce que les deux ils pouvaient pas être en équipe tous les deux, c'est pas possible. Avec des talents pareils, tu les fous en solo quoi, tu les fous pas en équipe. Mais après, derrière, ouais, ça semble un petit peu léger ce qu'il y a derrière l'équipe. Avec les Vaudevillains en fait, au final, qui était une équipe qui fonctionnait pas mal, une gimmick que moi je trouvais sympa, qui passera non plus jamais le cut de NXT, mais c'est peut-être eux qui vont ressortir là. Du placard pour aller. Parce que c'est vrai que la team qui a la ceinture aujourd'hui, j'ai même pas leur nom en tête, tellement c'est des. C'est Blake et. Blake et Murphy, c'est... ou Blake, Blake et Mortimer pour les autres. Blake et Mortimer. Voilà, elle sort un peu de nulle part, elle est encore en construction, alors je les imagine vraiment comme des mecs de transition en attendant qu'une autre équipe arrive. Et quelque chose d'un peu plus rodé, quoi. Parce d'ailleurs, que... il y a d'autres équipes derrière. Il y a les Vaudevillians qui ont fait le Dark Match, je crois. Mais bon, eux, ils ont pas tellement. Enfin, c'est dommage parce qu'il y a quand même Aiden English qui est cool, quoi. Ah non, ouais, arrête toutes les conneries avec Aiden English. En fait, c'est Cesaro sans les muscles, Aiden English. Bah voilà. Semblance physique. Hein. Ça reste sympa. Il y a encore deux. Il y a encore d'autres équipes à monter, comme par exemple Jason Jordan et Ty Dillinger, qui est une équipe aussi à NXT qu'on voit pas trop et qui peut être montée parce qu'il y a quand même du talent là-dedans aussi. Voilà. Bon, je vous propose de passer plutôt aux choses sérieuses. Attends, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Après le match, il y a une vidéo promotionnelle comme quoi l'ancien Sami Callihan allait débarquer la semaine prochaine. Enfin, c'est pas vraiment une vidéo promotion, c'est une espèce de. C'est une annonce quoi, c'est clairement une annonce. C'est un, va faire c'est un parasite quoi, c'est. Enfin, la semaine prochaine donc, on verra, verra ce que ça va donner. Oui, c'est ce qu'ils disent next week, après ils ont dit ça les commentateurs. Puis il y avait aussi, je sais pas si vous avez vu là, je crois qu'il y a Solomon Crow qui va être annoncé. Oui, oui, c'est Sami Callihan. Ah, mais voilà, mais tu m'embrouilles. Pour moi, il n'y avait pas écrit next week tout ça, non? C'est juste qu'il y a eu une sorte de brouillage. Oui, non, mais après, ils ont dit la semaine prochaine. Ah, d'accord. Ah, je confirme. Je n'avais pas saisi. Excusez-moi, je m'en. J'ai je hâte de voir ça parce que Sami Callihan, c'est un vrai talent, quoi. D'accord. Ça promet, en effet, bien, surtout que le gimmick de pirate, c'est de, enfin, pirate internet, hein, pas de pirate. Enfin, voilà, ça a l'air assez intéressant. Ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. C'est enfin une nouvelle gimmick originale, quoi, disons. Ouais, en tout cas, c'est pas du déjà vu à la WWE. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je pense que on est là pour ça surtout. C'est Finn Balor qui bat Adrian Neville pour la place de prétendant au titre NXT. Il l'a battu en 13 minutes 45. Qui veut prendre la parole, tiens? C'était très court, c'était un peu trop court. J'ai eu ce filet de bave pendant tout le match qui sortait de ma bouche tellement c'était bon. Mais franchement, c'était je restais un petit peu déçu parce que c'était certes intense, il y avait de l'action, il y avait tout dans ce match, mais putain, c'était trop court. Pourquoi on aurait dû leur donner, je pense, encore 5 minutes de plus, et là le match aurait été mais juste extraordinaire quoi. Moi, je me suis régalé en regardant ça. Le futur de la WWE, je pense, il est ici, il est dans ce match-là. Mais il est aussi dans le match pour le titre, faut pas les oublier, hein, les deux cocos canadiens, hein, faut pas les oublier, les Québécois. Parce que eux aussi ils seront là, ça c'est sûr et certain. Mais Adrian Neville et Finn Balor, attention, ça va faire très très mal quand ils vont débarquer à la WWE. Et ceux qui ne les connaissent pas, ils vont être vraiment très impressionnés par le personnage de Finn Balor quand il est maquillé, c'est assez impressionnant, quoi. D'accord avec ça, Florent? Ouais, c'était court au final. En fait, je me suis rendu compte que c'était court quand j'ai revu le match, parce que j'étais assez pris dans le match la première fois. Du coup, je me suis pas rendu compte que ça avait duré que moins d'un quart d'heure au final, ce qui est en effet très court. Mais un très bon match. Il y a eu de super spots. Le caractère un petit peu possédé de Baylor sur ce quand il est maquillé justement, ça lui donne quand même un petit truc en plus. Le petit moment où on le voit apparaître derrière le ring, de cette façon il chasse Neville autour du ring pour lui placer le dropkick quand Neville finit dans la barricade, etc. Donc ça c'était vraiment bien. Il a une présence à l'inverse de Corbin par exemple. il a même un truc en plus par rapport à Neville qui est un excellent performer in ring, mais qu'il a quand même un truc en plus qui permet de l'imaginer très haut dans le main roster, chose j'ai plus de doutes pour Neville de par sa présence. Il a moins de présence en effet de charisme, mais Balor c'est du très bon. comme les deux du main event, on en parlera tout à l'heure. Seb. Ouais, moi je me rejoins avec mes deux camarades, hein. Match fantastique, action formidable tout au long, techniquement et en intensité c'est vraiment au top. Moi ils m'ont embarqué aussi du début à la fin, aucun temps mort pour moi dans ce match, vraiment une pure réussite sur ce combat-là. Puis en plus, on a vu une action footballistique à un moment donné parce que Finn Bálor met un superbe retourné acrobatique en pleine gueule Ça s'habituait. sur Adrien Neville. Ouais, mais voilà, c'est pas mal. C'est devenu un de ses moves, en effet. Oui, il a un bon petit retourné acrobatique sympathique hein, qui rendrait jaloux pas mal de joueurs de Ligue 1. Ouais. Voilà. Notamment ceux de Bordeaux. Voilà. Ouais, entre. Un petit tag gratuit pour Flan. Mais oui, en tout cas, le match était très bon et on attend un peu plus après. Ben, du coup, Finn Balor qui va dé aller défier Owens, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Enfin, après, en tout cas, après ce match-là, ce match, c'est un Fatal 4-Way pour le titre féminin de la NXT qui a vu Sasha Banks triompher de Charlotte Bayley et Becky Lynch après une séance assez lourde de crossface sur la pauvre Charlotte. Et finalement, elle a fini par faire un tombé juste après Sasha Banks, un tombé qui s'est révélé victorieux. Et ce match a duré 12 minutes 28, un peu en dessous de l'habitude tout de même, mais une bonne longueur déjà. Seb. Oh, un peu en dessous que d'habitude par rapport au match Pour les précédent, matchs mais. NXT, hein, NXT en tout cas. Parce que la barre était tellement haute avant que c'est pour ça en fait. Hein. Donc, moi, le match, j'ai trouvé super divertissant du début à la fin. Et ça montre aussi que quand les officiels prennent au sérieux la division féminine, ben, les fans prennent aussi au sérieux cette division, hein, comparée au main roster. Et je voudrais aussi féliciter Sasha Banks qui, depuis ses débuts, a fait d'énormes progrès. C'est quasiment C'est pas jour et la faux. nuit avec ses débuts. Donc, c'est mérité pour elle de récupérer cette ceinture, je trouve. On disait la même chose de Charlotte notamment. C'est vrai, Quid de Charlotte, quid Je de sais Charlotte. pas si c'est un révélateur NXT, mais en tout cas, il y a du bon boulot derrière à mon avis. Gus. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Il y a encore eu des moves super intéressants parce que Becky Lynch nous sort à un moment donné une prise venue d'ailleurs. Et Sasha Banks aussi, quand elle saute sur les deux divas qui sont entre les coins, là. Je sais plus qui c'était. Il y avait Charlotte et je crois que c'était Becky Lynch ou Bayley, je sais plus. C'était une des quatre. Mais Sûrement une des quatre, oui. En oui, tout cas, ça je devait être une participante au match, à mon avis. C'est ça. Il paraît Il pas. paraît, hein. Bon, on n'a pas parlé de Bayley encore. Bayley que j'ai trouvé, comme d'habitude, assez intéressant dans ses mouvements, mais il faut qu'ils arrêtent avec le belly to belly, hein, clairement. Mis à part quand elle le porte bien à partir de la troisième corde, là, oui, c'est impressionnant, mais sinon, c'est très très mal porté encore. Hein. Bah en même temps, elle n'a pas le gabarit, mais bon. Oui, voilà, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'ils arrêtent, En parce que c'est effet. vraiment mal porté. Mais bon, un jeu de mots, ça ne se refuse pas. Ouais, c'est ça. Florent, à toi. Non, ouais, je trouvais ce match très bon. De toute façon, comme les matchs des Divas et NXT, au final, il y a assez peu de déceptions, surtout quand c'est une des quatre là, qui sont dans le ring, qui était dans le ring aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas forcément de crainte avant le match, quoi. On savait que ça allait faire le show et que ça allait être un bon match. Assez content aussi de la victoire de Sasha Banks parce qu'elle a un gimmick qui lui réussit. Et je pense que quand elle va monter dans le main roster, avec Paige, on va en prendre pour une dizaine d'années avec les deux là. Et il y a de quoi faire de très très bons matchs. Si toutefois, évidemment, on décide de travailler autant Ça, c'est pas gagné. les C'est histoires pas des filles gagné. chez les gars, ce qui n'est pas gagné quand on voit ce qu'ils font de Paige depuis qu'elle est montée d'ailleurs. Mais. Comme dirait CM Punk, peut-être le jour où Vince McMahon va mourir. C'est ça. Mais ouais, mais la compagnie sera reprise par son Son beau-fils et. gendre. Oui, voilà. Oui. Voilà. C'est idiot, en tout cas. Il rajoute idiot. Doofus on in law, Ouais, ouais. voilà. Mais non, ouais, très bon match. Et je sais pas si vous avez vu cette petite séquence après de Renee Young qui justement va discuter avec Sasha Banks et d'abord lui pose une première question où elle répond in character et elle lui pose une deuxième question après en lui disant oh, c'est que vous êtes Sasha, enfin vous jouez Sasha Banks, mais là qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et là, elle est toute mignonne, elle pleure, elle a deux doigts de pleurer et tout, elle en peut plus. Sans doute en repensant tous les progrès qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée. Donc voilà, c'est quand même mérité. Et là, ben, Charlotte va monter. Et du coup, c'est elle, la nouvelle boss. Ben voilà. C'est, ah, ce, voilà. Que, c'est, ce, que, c'est et... ce que j'allais poser comme question avec Charlotte. Qui... Est-ce qu'elle va être bientôt dans le main roster? Je pense que ça devrait arriver. Et peut-être pour juste après WrestleMania. Parce qu'il y a le papa qui va l'aider. Qui va peut-être sûrement la manager dans le main roster. Et ça va beaucoup l'aider. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que Charlotte a du talent, mine de rien. Ça nous ferait 3 catcheuses au lieu de 2. dans le roster, enfin, même si les Bellas ont ça fait va, des quand progrès. Même. Les Bellas ont fait quand même énormément de progrès en 5 ans. Hein. Maintenant, elles ont. Ouais, en depuis 5 qu'elles ans. Sont revenues, ah bah, depuis qu'elles sont revenues, je suis désolé, ouais, c'est plus heureusement, les mêmes Bellas. Heureusement, quand même, en 5 ans. Non, mais attends, mais c'est plus les mêmes Bellas quand ouais, même. Ouais, mais t'as vu le mari qu'elle se tape à chaque fois enfin, c'est pas ouais, faux, bah, John moment, Cena et Daniel Bryan. T'es obligé de progresser. Donc voilà, Seb, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je te. Non. Ah, bon. Rien à rajouter. Ah bah c'est parfait. Ouais, si Becky Lynch. Ah bon. C'est le point Gus. Le point le, Gus. Le... Est-ce que la diva est bonne? Voilà. C'est ça. Bah oui, elles sont bonnes dans le ring, effectivement. Gus, oui. Gus féministe. Gus, l'homme est pour l'égalité. Enfin voilà. Ah, j'en ferai bien mon 4 heures de Becky Lynch. Bon, je pense qu'on va vite passer à la suite avec le dernier match déjà de ce show entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Sami Zayn qui était champion et qui a perdu son titre par arrêt du match par l'arbitre qui déclare un peu Sami Zayn KO. Il faut dire que Kevin Owens était en train d'enchaîner les power bombs. Je crois qu'il allait entamer sa quatrième quand il s'est fait arrêter. Ce match a duré 23 minutes 27. Je vais demander l'avis de Florent sur ce match. Est-ce que tu les connaissais déjà sur le circuit indépendant? Ouais, j'avais vu un petit peu ce qu'ils avaient fait. J'avais vu leur Leader Wars, pardon, notamment. Donc, ouais, t'as vu le... Voilà, t'as vu voilà le... j'ai vu le meilleur. Après, le minimum pas... syndical, voilà. C'est ça. Mais non, ouais, après... C'est un match qui nous vend le début d'une histoire, je pense. On n'a pas atteint des sommets d'intensité, sauf à la fin, quand il enchaîne les powerbombs, où là, tu te dis, mais combien il va en ramasser encore Zayn. Mais après, voilà, Zayn, au final, il a fait surtout un match de... Enfin, il a surtout vendu les prises de l'autre, hein, parce qu'il a pas fait... il a pas porté grand-chose au final. Mais c'était voulu, c'était dans le scénario. Et alors... Le fait que Owens récupère déjà la ceinture, ça laisse une incertitude quant à l'avenir de Zayn. Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va monter pour après redescendre et venir un peu en complément après la feud entre Owens et Baylor? Peut-être que Zayn ressortira de nulle part après. Voilà. Enfin, il y a plein d'options qui sont ouvertes avec ce résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que ils en ont pas fini tous les deux. Ils ont pas tout montré, évidemment. Ils en ont gardé sous la semelle, mais c'était déjà un très bon match. Est-ce que vous jugez ça trop rapide pour Owens, d'ailleurs? Carrément pas, c'est très logique. Parce que s'ils veulent l'accomplir dans un personnage de dominateur qui met des KO, parce que ce sont ses initiales aussi, et ça semble, c'est vraiment dans la logique des choses, et c'est plutôt très intéressant de voir Kevin Owens, donc champion NXT, après 2 mois d'apparition. C'est vraiment, vraiment une bonne chose, une bonne idée. Et pour la suite de Owens, ça paraît très très bon, hein, de bon augure. Bon, on savait déjà que Kevin Owens, que ce soit en tant que charisme, en tant que lutteur, en tant que performer, en tant que même au mix qu'il est bon, ce type, il a tout pour réussir à la WWE, quoi. Sébastien. Ouais, je suis d'accord avec les deux avis de Florent et de Gus. Je vais faire un petit mix des deux. Hein. Moi, je suis d'accord sur le fait que Kevin Owens ait gagné le titre rapidement est une bonne chose dans le sens où ça montre vraiment que c'est quelqu'un de spécial, quoi. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc clairement, le catcher ressort du lot rapidement. Et sur le match en tant que tel, déjà, qui est très bon psychologiquement, après moins dans le spectacle par rapport à ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Mais ça reste quand même psychologiquement très bien géré. Je pense que c'est aussi la première étape de ce qui sera une rivalité à long terme. Donc pour moi, Zayn ne montera pas dans le roster principal tout de suite. Hein. Il y a encore beaucoup de belles heures à écrire à NXT sur cette fugue-là qui n'est pas près de se terminer. Ah non, elle est pas d'ailleurs, fine, hein. D'ailleurs, Baylor, certes, a une place de first contender, mais ça peut très bien partir en Baylor-Owens comme un triple threat match. Ouais, il y a le rematch. Donc est-ce que Zayn va prendre le rematch tout de suite ou est-ce qu'on aura une pause d'abord, selon vous? Alors, je pense qu'ils ont clairement vendu une blessure qui va l'éloigner des rings, je pense, pendant au moins jusqu'au prochain takeover. C'est pas impossible que Zayn fasse son retour donc pendant ce match-là pour le titre entre Balor et Owens. Et c'est pas impossible que Zayn coûte entre guillemets le titre à Balor et qu'on pourrait partir sur une rivalité à trois qui serait juste impressionnante. Parce que je pense qu'après un match comme ça, avec ce KO, on verra pas sa misaine de suite, ça c'est sûr. Ah ben, oui, et puis en plus il est parti faire un peu de promo, on l'a vu un peu récemment. En tournée là. Ouais, il est parti en tournée, je crois qu'il est aux Émirats Arabes Unis. Ouais, oui, il est avec le main roster. Donc voilà, il est avec le main roster. Bon, je pense que voilà, quoi, il va faire ses petites promos, son petit truc, et pendant ce temps-là... Voilà, il sera de retour plus tard. Je serai de l'avis de Gus, je crois, qui a dit qu'il serait de retour au match entre Baylor et Owens. Peut-être pour coûter le titre justement à Owens et partir sur une rivalité sans titre, pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, peut-être pas tout de suite le main event pour le main roster pour Sami Zayn. je saute les étapes. De toute façon, Zayn il est pas dans le. Il sera pas sur les prochains enregistrements, donc il sera pas sur les 4 prochains NXT. Oui, voilà. Donc c'est pas sur... des enregistrements du lendemain, effectivement. Voilà. Il sera donc, pas par là. Contre, ouais. Par contre, il y avait The Brian Kendrick et Rhino. En effet, on va en parler rapidement. Oui, il y avait Brian Kendrick et Rhino qui sont venus. Une apparition qui sera peut-être pas télévisée. Je pense. Ah si, je pense. Si, c'était dans les enregistrements, c'était télévisé. Bon. Oui, c'est télévisé. Mais apparemment, ce serait plus pour un rôle d'entraîneur. Oui, c'est des Kendrick. Kendrick était déjà revenu en décembre, il me semble. Kendrick, qu'on aura peut-être en interview. Voilà. Hein, on glisse le mot comme ça. comme ça, ça montrera si vous écoutez ce podcast ou pas. C'est bien, ces petites surprises là, c'est bien. Il y avait aussi à une époque Scotty Tuoti qui était venu à NXT pour revoir le Worm. Je m'en serais bien passé quand même. Ah, c'est une petite surprise en plus. Hein, ouais. Il y a quelques anciens qui reviennent un petit peu faire des petites apparitions. C'est toujours sympa. je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous demander une note sur 10, hein, pour Florent, je vais préciser parce qu'il connaît peut-être pas un peu le système de notes. Donc une note sur 10 chacun, Seb. Je crois que c'est un show qui est quand même, si on le regarde attentivement, super bon. Donc je peux pas mettre en dessous de 8 sur 10 pour moi pour ce show-là. D'accord, Gus. Alors moi j'étais déçu quand même par les deux matchs du milieu qui étaient donc Bull DMC contre Baron Corbin. Ce match fléau dont tout le monde se foutait, et donc ce match par équipe qui était assez décevant. Par contre, le premier match, le match des Divas, le Finn Balor contre Adrian Neville et le main event était juste hyper bon. Le show quand même reste en dessous du dernier takeover qui avait été exceptionnel, hein, donc je vais mettre une note de 7,5. Quoi. D'accord, Florent. Ouais, moi je vais mettre 8, je l'ai trouvé aussi en dessous de takeover. Où j'aurais mis 9, donc je mets pas sûr. D'accord. Je crois qu'on était dans ces eaux-là, de toute façon, pour Takeover Evolution. Je vais rejoindre un peu l'avis de tout le monde. C'est un petit peu en dessous d'Evolution, mais c'est toujours un show oui, c'est toujours extrêmement agréable. Hein. 2 heures, ça passe comme une fusée. Bah, et bon, il y a, mis à part 2 petits matchs qui sont un peu en dessous, le reste est quand même de qualité. Et ouais, il y a un main event où il y a une très bonne histoire. C'est peut-être pas forcément le type de match qui va plaire à tout le monde, mais ça reste très bien. Moi, je vais mettre 8,5 parce que je me sens d'humeur généreuse. Et j'ai vraiment très bien aimé ce show et j'étais diverti. Du coup, ça nous fait une note de 8. Voilà. Ah, c'est pour ça que t'as mis 8,5, alors comme ça la moyenne est facile. Hein, c'est... Oui, il fallait traduire le je me sens d'une humeur généreuse par j'ai pas envie de me casser la tête. Non, en vrai, vraiment, je voulais lui mettre 8,5 à chaud, j'y avais déjà réfléchi à la note. Donc voilà, j'ai envie de laisser un peu Florent parler rapidement de ce qu'il fait, de la data room, de tout ça, rapidement, vu qu'il est notre guest. Je vais lui laisser un peu la parole. Tiens. Non, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est tous les Oui, marques. mais de, voilà, faire la présentation, quoi, ceux qui connaissent pas, les fans de foot, il y a des fans de foot parmi les fans de catch, je pense. Oui, j'espère. Non, c'est tous les mardis, Canal Plus Sport, 19h40 en général, mais ça change régulièrement, donc il faut être attentif. Et voilà, et on essaie de revenir en détail avec des analyses tactiques et statistiques sur la Ligue 1, la Première Ligue, évidemment, puisque les droits, et après Ligue des Champions, là, elle va reprendre. Il n'y a pas d'émission mardi avec PSG Chelsea, mais on reviendra sans doute sur le match la semaine suivante. Mardi prochain, donc le 24, si mes souvenirs sont bons et mes calculs aussi. Et voilà, et ça se passe bien pour cette première saison. Et on verra si on en fait une deuxième. Mais c'est déjà sympa. Et puis je pense que ça apporte une Ça apporte vision un une peu autre différente par vision, rapport à ouais. d'autres émissions et qui peut compléter. Voilà. Ça apporte clairement une autre vision, ouais. Moi, j'aime vraiment cette émission parce que y a de tout, y en a pour tout le monde dans cette émission. C'est ça qui est vraiment bien. Et puis, tu as aussi un site où tu écris tes analyses. Ouais, c'est un peu ce que je faisais sur mon site, je le fais pour l'émission maintenant, donc il y a un peu mon activité sur le site, chroniquetactique.fr, mais bon, j'essaie de toujours de mettre au mieux, une dizaine d'articles par mois. Là, en ce moment, on est plus sur du 5-6 par manque de temps, mais voilà, c'est le prolongement de ce qui est fait pendant l'émission, tout simplement. Il est sympa, Grégoire Margoton? Très sympa, en soi, très sympa. En tout cas, ça faisait plaisir de t'avoir, surtout que vu que Brousty n'est pas là, il fallait bien un accent landais qui remplace un autre. On va te remercier d'être venu, mais on va aussi parler de nous, parce qu'il y a un YouTube, le YouTube de Wrestles Radio, où vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton en dessous de la vidéo. Et après, vous pouvez aller sur Twitter, at Wrestles Radio. Le Facebook Wrestles Radio aussi, on est disponible aussi, enfin on met les podcasts sur archive.org et iTunes. Les partenaires, il y a Voxcatch avec la revue Du dernier de écho. l'absentéiste, de l'absent du jour, pardon, il faut que je parle français surtout. Donc Broussi qui a fait la revue du dernier takeover sur Voxcatch. Il y a FN Lutte, il y a British Wrestling Revival qui est un blog qui fait aussi des interviews de catcheurs indépendants. D'ailleurs, Enfin voilà. le prochain catcheur du mois, ça sera le 3 mars. D'accord. Donc le 3 mars, allez voir sur le blog de British Wrestling Non, non, non, Revival. sur notre site, Ah, sur sur notre notre. site. Ah, bah, tu. Voilà. Tous les premiers mardis du mois, dorénavant, vous aurez le catcheur du mois. Généralement, ça sera un lutteur anglais. Là, pour le moment, on ne sait pas qui ce sera. D'accord. Merci de m'informer, c'est cool. Il n'y a pas de quoi, Pierre. Je suis toujours à côté de la plaque, c'est pas grave. Il y a aussi ma chaîne de catch, qui avait lancé un appel. Si vous avez, enfin, ils recrutent des archives sur la WWF, tout ça. Si vous avez des cassettes, des vieilles vidéos qui traînent, il faut pas hésiter à prendre contact avec lui. Enfin, vous nous envoyez un message. Et on passera votre message à ma chaîne de catch. Et il y a aussi Lucha Underground FR qui fait les commentaires des émissions de la Lucha Underground, donc le nouveau show de la AAA. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter notre interview de Matt Striker. Oui, justement, j'allais enchaîner dessus. Oui, on a l'interview de Matt Striker qui est sortie très récemment. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes les autres interviews, DDP, Jeff Jarrett. Christophe Ajus, bien sûr, qui est bon la seule en français. Mais en tout cas, l'interview de Matt Striker, elle est sous-titrée en français, elle est disponible à volonté, donc n'hésitez pas à couper et à revenir dessus. De toute façon, elle restera là et gratuite. Parce que on vous rappelle qu'on fait tout ça bénévolement quand même. Et notre salaire, ce sont vos réactions. Exactement, voilà, ça va devenir notre catchphrase. Notre salaire, c'est vos réactions. C'est ça. Et On va faire de la. avec un petit clin d'œil. Oui. Donc ouais. Il me reste plus qu'à remercier mes camarades d'être venus aujourd'hui et d'avoir été aussi rapide aussi. C'est vrai que Je une crois que demi-heure, ouais. c'est un des podcasts les plus rapides de l'histoire de Wrestles Radio et franchement, on a fait, enfin, on a dit ce qu'on voulait dire. faut dire qu'il y avait moins de débats que pour le Royal Rumble, je suppose. C'est sûr, oui. Ouais. Le Royal Rumble a été beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, il y avait 10 minutes de plus que d'habitude, mais voilà. Bref, en tout cas, merci d'être venu, et puis ben, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne et agréable soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, et on se retrouve pour Fastlane en live. Bisous à tous, et à la prochaine. Zoubi.